très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Green Blood, c'est 4 épisodes qui racontent 3 histoires où 3 journalistes ont été menacés, ont risqué la prison ou ont été assassinés. Cette semaine, le réseau Forbidden Stories. C'est une collaboration internationale avec des journaux en Asie, en Afrique, aux États-Unis ou en Europe. Et je pense que ce type de projet-là peut aussi montrer un peu aux gens pour qui on travaille. Et on travaille pour faire que notre démocratie ne meure pas dans l'opacité et faire en sorte que les citoyens soient informés, surtout sur des histoires qu'on a voulu passer sous silence au départ. Du Guatemala à la Tanzanie. Dans cette série documentaire, on s'est intéressé à 3 journalistes. Donc Carlos Choc au Guatemala, un journaliste maya. Sandhya Ravishankar, une journaliste indienne qui travaille sur les mafias du sable en Inde. Et un journaliste s'appelle Jabir Idrissa, dont le journal a été fermé en Tanzanie. Il y a aussi des moments où on veut des spécialistes de la finance, où on veut des spécialistes du droit, on veut des spécialistes de la mondialisation et des multinationales. Et toutes ces aptitudes-là ne sont pas forcément contenues dans un seul journal ou dans un seul média. Nous, notre rôle à Forbidden Story, c'est de coordonner une enquête qui est mondiale, avec une vingtaine ou trentaine de rédactions, donc d'organisations de presse qui prennent part à ce type de projet-là. Donc notre métier, c'est vraiment de coordonner. Un certain journalisme d'investigation. Nous nous sommes intéressés cette semaine à Forbidden Stories, un réseau de journalistes d'investigation créé en 2017 pour poursuivre le travail de reporters menacés, emprisonnés ou assassinés. Créé à l'initiative du journaliste Laurent Richard, ce réseau a enquêté dans le domaine des industries minières et propose une enquête globale sur 3 pays, Inde, Tanzanie et Guatemala, enquête intitulée Green Blood, à découvrir dimanche soir sur RTS2. Nous retrouvons 2 membres de cette équipe, le directeur de collection Alexis Maran et le réalisateur Arthur Bouvard. Arthur Bouvard, racontez-nous comment, avec Jules Giraudat, vous vous êtes réparti le travail. Vous êtes d'un naturel extrêmement autoritaire et vous lui avez demandé, même pas exigé, d'obéir à toutes vos demandes. Ou au contraire, c'est du 50-50, du 50-50, ou alors du bras de fer, peut-être, que sais-je. Comment ça, vous vous êtes organisé? Alors déjà, en fait, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Vieille paire de compères. Exactement. Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble, pas forcément sur les mêmes projets au départ, mais en tout cas qu'on a toujours, eu nos bureaux jamais trop loin l'un de l'autre. Donc non, on en est à, c'est notre 1, 2, 3, 4, 5e film ensemble. Concrètement, c'est pas un bras de fer. C'est un vrai travail d'équipe. Dans le cas de Green Blood, alors c'était assez évident. Jules parle beaucoup mieux espagnol que moi, donc il a pris. Donc il est allé en Inde. Guatemala. Il faut rappeler les 3 endroits: Tanzanie, Guatemala, Inde. Donc voilà. En fait, on a commencé tous les deux cette enquête. On est parti une première fois sur le terrain uniquement tous les deux. Pour repérer les lieux, on va dire creuser les histoires, ramener les premiers éléments, les premiers témoignages. Quand vous dites sur le terrain, sur les terrains, sur donc, les, voilà, sur les 3. Alors on a fait l'Inde et le Guatemala tous les deux. D'accord. En amont, c'est-à-dire on est allé en Inde et au Guatemala pour rassembler des informations, puisque à un moment en fait depuis Paris sur des terrains dans des pays aussi éloignés, c'est très dur au bout d'un moment de ramener de l'information fraîche et concrète. Pourquoi? Parce qu'il y a Jack Andrasingh, par exemple, le journaliste indien qui est mort brûlé vif en 2015, vivait dans l'Uttar Pradesh, donc qui est l'état tout au nord du pays. Il vivait dans la campagne indienne pour obtenir des informations, ne serait-ce que pour parler au-delà de la barrière de la langue, même concrètement pour avoir des numéros de téléphone qui marchent, arriver à parler avec des gens et obtenir des infos concrètes, récentes. C'était pas forcément évident. Il y a aussi un enjeu de sécurité sur les histoires sur lesquelles on travaille, où on a besoin, nous, Forbidden Stories, avant de lancer une collaboration avec des médias dans le monde entier, avant justement le départ de cette collaboration, c'est aussi important d'aller tâter le terrain, d'aller vérifier, on va dire, le principe de réalité de ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire concrètement, comment on organise des voyages, est-ce que c'est risqué ou pas, en tout cas c'est un risque qu'il faut mesurer pour avoir voilà, des protocoles, en tout cas des manières de se déplacer, d'aborder les gens. On peut pas se déplacer à 35 journalistes d'un coup. À ce titre-là, est-ce que, pardon de vous interrompre, mais il n'y avait que 3 pays, trois dossiers qui étaient fixés dès le départ, ou y en a-t-il eu en chemin qui ont dû être écartés parce que pas réalisables ? Il y a beaucoup d'histoires sur lesquelles on a travaillé en amont avant de lancer le projet, donc la collaboration, avant de lancer le documentaire. Oui, évidemment, on a creusé beaucoup. Donc filtrer et écrémer, retirer des choses qui n'étaient pas. Oui. Alors déjà, le choix de se focaliser sur l'industrie minière nous a déjà fait, on va dire, un premier tamis. C'est-à-dire que quand on a fait le choix de dire voilà, on va pas faire quelque chose de plurithématique où on va traiter à la fois du trafic de bois, de la pêche illégale et des mines. On s'est dit non, on va travailler sur l'industrie minière. Il y a quelques histoires du coup qu'on a mis de côté parce qu'elles nous paraissaient pas réalisables concrètement sur le terrain, c'est-à-dire des terrains où il était trop difficile d'accès, trop risqué. Il y a aussi des histoires qu'on a mis de côté parce que reprendre le travail de journaliste, ça sous-entend aussi soit gagner la confiance, soit avoir confiance, en tout cas avec d'autres journalistes qu'on ne connaît pas au départ, et c'est pas forcément facile. Il y a des histoires où on n'aurait pas de potentiel pour collaborer, en fait, où il était extrêmement difficile d'obtenir les informations. Ça veut pas dire que les histoires étaient potentiellement, les histoires étaient là, mais les liens étaient pas faciles. Les journalistes étaient menacés. Des fois, ils avaient besoin de disparaître. Ils disparaissaient pendant 2, 3, 4, 5 semaines, ce qui est très compliqué, en fait, quand on veut faire une enquête. Donc, voilà, pour plein de raisons, on a écrémé, c'est le mot, mais en tout cas, certaines histoires n'ont pas fini dans la série documentaire. Après, elles nous ont permis aussi, nous, d'avoir un œil un peu plus aiguisé sur la réalité, en fait, du métier de journaliste dans plein de pays. Et ça, je pense que c'est très important, et de créer aussi, on va dire, un réseau où, même si toutes les histoires peuvent pas se retrouver dans une série documentaire, au moins on a apporté, on a passé des coups de fil, on a eu des gens au téléphone, on a apporté un petit peu la petite graine de Forbidden Stories pour dire voilà, on existe, et si jamais vous avez un problème, si vous sentez que vous touchez à un sujet qui est trop dangereux, nous on a les moyens, en fait, de recevoir vos informations, de protéger vos informations pour que en tout cas abaisser un petit peu le risque. Je vois Nelton au téléphone, le journaliste de Prensa Communautaria, qui est pas bien. Je sens qu'il se passe quelque chose, mais je sais pas quoi. Il est au téléphone avec Kimi, la rédactrice en chef de Prensa Communautaria, qui lui explique en fait que Carlos est entre la vie et la mort. Il est tombé gravement malade et il a besoin d'être opéré de toute urgence. On est très inquiet pour Carlos. Si la bile sort de sa poche, il pourrait y avoir des métastases dans les organes. C'est une affection sérieuse qui peut provoquer la mort. Comme il est sous mandat d'arrêt, s'il va dans un hôpital public, il sera arrêté. Il faut qu'il trouve une clinique, un médecin, qui accepte de l'opérer sans qu'il ait besoin de donner sa carte d'identité ou qu'il ait besoin de donner son nom. Notre ami est en train d'attendre quelque part de pouvoir être opéré. C'est une course contre la montre, là. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Le problème, c'est que son opération à la vésicule coûtait plus de 3000 euros. Cet argent, Carlos ne l'avait pas. Ses collègues de Prensa Communautaria ne l'avaient pas. Et donc, ils ont dû emprunter de l'argent à des proches, à des collègues journalistes, pour qu'au final, ils puissent être opérés dans cette clinique privée. Je me suis dit que si j'y passais, je ne pourrais plus continuer mon travail. C'était du sérieux. Je me suis senti mourir. Maintenant, je veux récupérer vite et pouvoir un jour continuer l'enquête à LS Store avec vous. Un extrait de Green Blood, le prochain documentaire d'histoire vivante à découvrir dimanche soir sur RTS2. Histoire vivante, cette semaine, réseau Forbidden Stories, suite de l'entretien avec Arthur Bouvard et Alexis Maron. Alexis Maran, parmi les personnages qui jalonnent, et ils sont nombreux, cette série Green Blood à découvrir dimanche soir sur RTS2 et les épisodes suivants la semaine prochaine. Venons-en aux journalistes. Ce sont des journalistes qui, soit au Guatemala, soit en Tanzanie, soit en Inde, ont reçu peu ou prou la même formation que vous, journalistes arrivant d'Occident, ou bien ce sont des approches qui sont sensiblement différentes, et si différentes il y a, quelles sont-elles ? Alors là, on parle effectivement de pays où il n'y a pas forcément des formations au journalisme en tant que tel. Donc on a des profils assez divers, mais qu'on retrouve quand même souvent dans les pays en développement. Vous avez quand même un journaliste comme Jabir Idrissa en Tanzanie qui était rédacteur en chef de deux journaux qui ont été censurés suite justement à leur dénonciation des agissements des compagnies minières et de leur complicité avec le gouvernement. Bon, Jabir, c'est un universitaire. Il a pas fait de formation au journalisme, mais il a un niveau universitaire très sérieux pour un pays africain. Ensuite, vous avez Carlos, qui lui est un journaliste communautaire, donc lui il a fait des études assez simples, assez limitées, mais ce qui l'anime avant tout, c'était de défendre sa communauté, parce que il faut savoir que les Indiens Mayas Kekchi au Guatemala ont fait l'objet de nombreuses persécutions depuis très longtemps, notamment au temps de la dictature au Guatemala après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de pogroms d'Indiens, et c'est pour ça qu'il y a un journalisme communautaire indien Maya qui existe d'ailleurs dans toute l'Amérique centrale, pas que au Guatemala. Donc c'est un parcours encore un peu différent. Et après, vous avez Jagendra Singh en Inde. Alors lui, en Inde, il y a des écoles de journalisme, évidemment, et puis en plus, ils peuvent venir se former en Angleterre. Enfin, il y a des possibilités, et il y a des très très bons journalistes. Mais Jagendra, lui, c'était un journaliste local qui avait fait plusieurs boulots, en fait, avant de passer au journalisme. Et il est venu au journalisme par un sentiment très simple, qui était de dénoncer les injustices. Et la corruption. Ce qu'il avait devant les yeux. C'était ce qui l'animait, c'était ce qui l'a toujours animé, et c'est pour ça qu'il s'est reconverti assez tardivement, hein, je crois, vers l'âge de 35 ans, au journalisme, vraiment par exaspération. Et puis aussi, et c'est là que ça rejoint la discussion qu'on avait sur les outils, parce que en fait, son outil à lui, c'était Facebook, en fait, hein, c'est-à-dire que il a travaillé pour des journaux locaux et régionaux, mais très vite, comme il faisait trop de bruit et qu'il s'en prenait à des gens puissants, il a été mis sur la touche. Donc ça montre aussi l'état de la liberté de la presse en Inde, hein. Et donc il a fini par publier tout seul sur Facebook ses articles. Ma famille ne devrait pas oublier que lorsque mon père était à l'hôpital, il nous a dit que le ministre Verma était coupable. Toute ma famille a signé le compromis, sauf moi. Je n'étais pas d'accord. Je ne crois pas en son innocence. Mon père mérite justice, et le responsable de sa mort doit être puni. Un extrait de Green Blood, le prochain documentaire d'histoire vivante à découvrir dimanche soir sur RTS2. Les enquêtes que l'on peut mener, que vous avez menées, Arthur Bouvard, sont parfois d'étranges miroirs. Je veux préciser ma pensée. La première fois que j'ai entendu parler du terme des terres rares, c'était en 1985, et pendant longtemps, cette expression terres rares, je me la figurais comme étant un espace quelque part sur une carte de terre dont on n'aurait pas encore fait complètement le tour, comme des vieilles terra incognita, pas du tout, avant de découvrir que c'était tout à fait autre chose. C'était un ami chimiste, évidemment, spécialiste des terres rares, qui m'en avait parlé. C'était rare, c'est encore un dossier qui n'est pas forcément très connu, et pourtant, les terres rares sont au quotidien dans notre vie, dans nos ordinateurs, dans nos smartphones, dans à peu près tout. Et forcément, ça interroge, puisque vous êtes en train de regarder, d'analyser, de filmer, de montrer des gens exploités, des gens qui extraient du mieux qu'ils le peuvent et dans des conditions abominables des matériaux au péril de leur propre vie, que nous utilisons, si j'ose dire, sans vergogne. C'est là où je parle de miroir curieux. Oui. Alors, les terres rares, c'est un sujet qu'on n'a pas traité dans Green Blood. C'est un sujet que j'avais enquêté il y a 5 ans maintenant. Mais elles sont en arrière-fond, je vais dire. Mais évidemment, en fait, c'est la même... Car les extractions minières... Les minerais, de manière générale, c'est encore plus vrai pour les terres rares, mais je vais pas trop en parler parce que c'est pas les minerais sur lesquels on a travaillé, mais tous les minerais en fait sont devenus des enjeux stratégiques énormes pour la simple raison que comme toute ressource sur Terre, les minerais s'amenuisent, qu'on en a aussi de plus en plus besoin. Nous, on a travaillé sur différents minerais, ou en tout cas matériaux, le sable en Inde, le nickel au Guatemala et l'or en Tanzanie. Alors le sable, on ne le sait pas, mais c'est la deuxième ressource la plus utilisée au monde après l'eau. Ça sert pour absolument tout. Littéralement, notre monde est construit sur du sable. Ça, c'est pour le plus évident, mais le sable, on le retrouve décidément partout, jusqu'au dentifrice, absolument dans tous les recoins. Exactement, et ça, c'est aussi ce qu'on a découvert dans ce sujet, dans Green Blood, c'est que les enjeux du sable existent aussi sur ce qu'on appelle des minerais de sable, c'est-à-dire que le sable de plage contient des minerais extrêmement précieux qui sont utilisés dans tout type d'industrie, comme vous dites. Alors l'agroalimentaire, beaucoup, l'industrie automobile, l'industrie des transports, l'industrie lourde. Enfin, ce sont des minerais et des métaux qui sont devenus stratégiques. Et le nickel au Guatemala, c'est pareil. Ça sert à faire du ferro-nickel qui est présent dans à peu près tous les alliages de l'industrie lourde. Ça sert à faire des citernes, des tuyaux, des cuves qui elles-mêmes servent à fabriquer des produits qui sont essentiels pour notre monde. Et en Tanzanie, on a enquêté sur le graal des minerais, sur l'or, ce minerai qui fascine les gens, qui est la valeur étalon, la valeur refuge. Et on sait, et l'or, il n'est pas uniquement là pour rassurer des grandes puissances qui vont mettre des lingots à la cave pour être sûr d'avoir des ressources. L'or aujourd'hui, il se retrouve partout, parce que l'or en fait est un minerai qui n'est pas sujet à la corrosion. On en met partout. On en met notamment dans les circuits imprimés. Donc en fait, ça sert à fabriquer nos téléphones portables, nos tablettes, nos téléphones, pour parler que des objets qui sont les plus évidents. Mais toute l'industrie de l'électronique aujourd'hui a besoin d'or. Et ça nous paraissait très important en fait de relier ce qui est le cœur de notre métier, c'est-à-dire des journalistes menacés, en fait, de relier ça à la réalité, que les gens se rendent compte que ces histoires ne sont pas des histoires locales, en fait. Ce ne sont pas que des histoires de mafia en Inde ou de multinationales qui exproprient des gens en Afrique. Il s'agit, en fait, de notre responsabilité, nous aussi, à l'autre bout de la chaîne, en tant que consommateurs, quand on achète ces produits. Il est là, en fait, ce miroir, entre guillemets. Oui, mais en l'occurrence, comment s'en prémunir ? Alors, on peut donner quelques informations, quand même. Parce qu'effectivement, l'or, le marché de l'or, est régulé. Dès lors que la traçabilité de l'or n'est pas précise, normalement il ne doit pas y avoir de vente. Sauf que, dans la réalité des faits, l'or arrive à passer partout, quelle que soit son origine. Alors, il y a énormément effectivement d'initiatives pour tracer l'or, et pour le certifier aussi. Mais l'or, c'est un minerai qui est quasiment intraçable en réalité. À part certaines marques ou certains collectifs qui vont s'engager à aller se fournir uniquement dans une mine précise, et j'ai plus les noms en tête, mais je sais que ça existe au Congo. Mais à part ça, sinon, en fait, l'or de toutes les mines du monde se retrouve dans ce qu'on appelle des raffineurs. En fait, l'or est raffiné, et ces raffineurs, c'est un point central, et ça a été un petit peu la bête noire de cette enquête pour tracer cette chaîne d'écoulement de l'or, pour faire le lien en fait entre la mine et les entreprises de l'électronique. Il faut remonter toute la chaîne, et en fait, cette traçabilité de l'or, on s'est aperçu qu'elle n'était pas réelle, qu'il y avait au milieu de cette chaîne d'écoulement ce qu'on appelle donc ce raffineur qui se trouve, il y en a partout dans le monde, hein, mais il y en a en Afrique du Sud, il y en a en Inde, il y en a aux États-Unis, qui rassemble de l'or, qui achète l'or dans toutes ces mines et qui ensuite le raffine et le mélange. Donc en fait, l'or de partout est mélangé, et ce qui le rend complètement intraçable. Et en plus de ça, il y a une véritable volonté de la part en fait des différents acteurs d'entretenir une certaine opacité. C'est-à-dire voyons. Faut-il s'en étonner ? Non, mais c'est notre rôle à nous de montrer aussi les coulisses de cette enquête-là. De montrer que si les grandes marques de l'électronique comme Apple, comme Microsoft... Qui jurent la main sur le cœur que si jamais elles apprenaient que, elles se garderaient bien d'acheter. Oui, en fait, déjà, la plupart du temps, ces marques ont refusé de nous répondre. Il y a tellement d'acteurs avant que l'or finisse dans un téléphone portable que du coup ces marques se cachent derrière ces différents acteurs pour diluer entre guillemets, comme si c'est la responsabilité se diluait et qu'au final personne n'est complètement responsable parce que à tous les maillons de la chaîne en fait quelqu'un n'a pas fait correctement son travail de due diligence comme on appelle ça, c'est-à-dire de regarder en arrière et de vérifier que l'approvisionnement était bien responsable. Mais là où je veux en venir, c'est que ces marques sont obligées par la loi aux États-Unis de déclarer dans quel raffineur elles se fournissent. Le maillon entre le raffineur et la mine, lui, par contre, il est caché par le secret commercial. Et c'est là toute la difficulté que nous, on a rencontrée et là où il a fallu user de stratagèmes et de techniques d'enquête et là où il a été très utile d'être plusieurs journalistes et dans plusieurs pays pour arriver à prouver que cette mine en Tanzanie, là où des journalistes ont été menacés, là où des journalistes certains sont menacés, ont perdu leur boulot. Jabir Idrissa, ce journaliste tanzanien, son journal a été fermé. Pour faire le lien entre ces histoires-là et Apple, eh ben, il fallait trouver ce lien, si c'est assez clair, entre cette mine et le raffineur. Et ça, c'est quelque chose qui, en Tanzanie, était une information très très dure à trouver. Savoir où est-ce que l'or était envoyé, dans quel raffineur, ça, c'est, je crois que 10 jours avant de publier, on ne savait toujours pas. Histoire vivante, cette semaine, réseau Forbidden Stories, suite de l'entretien avec Arthur Bouvard et Alexis Maran. Venons-en maintenant, Alexis Maran, aux familles. Les familles que vous rencontrez, pour certaines, les individus que vous pouvez rencontrer pour certains, ont déjà connu les dommages ou les drames ou les tragédies avant même que vous arriviez. Parfois, ça va être le long du récit, et s'est posé effectivement, vous nous l'avez dit, toujours le problème que vous avez déjà rencontré bien avant dans votre carrière, c'est quand on arrive, on fait son sujet et on repart, c'est pas la même chose que de rester, d'après ce qu'a pu nous dire déjà Arthur Bouvard, des allers-retours, des hésitations, des témoignages qui vont dans un sens, puis après qui se contredisent. Voilà, racontez-nous peut-être le chaos en route, en s'attachant évidemment à la difficulté que peuvent éprouver les familles qui sont aux premières loges. Bon, je dirais que c'est ce qui se passe un peu de façon tristement classique quand on s'attaque à des sujets sensibles et qu'on va interviewer des victimes. C'est-à-dire, il faut déjà les trouver, il faut s'assurer qu'elles ont envie de parler et puis s'assurer qu'elles n'auront pas à subir les conséquences de leur prise de parole ou en tout cas, ou alors garantir le fait qu'elles témoignent de façon anonyme afin de ne pas s'exposer à des représailles. Voilà. Mais en ce qui concerne les journalistes, c'est vrai que c'était, il y avait quand même ce souci, si vous voulez, qui était de pas en rajouter en plus à leurs ennuis. Mais ça, c'est un travail en fait qu'on a effectué très en amont, puisque quand on a identifié les histoires sur lesquelles on allait travailler, il s'agissait bien entendu que les journalistes auxquels on va porter secours, entre guillemets, ou sur lesquels on va enquêter pour ceux qui sont morts, qui ont été assassinés, il s'agissait de s'assurer qu'on n'allait pas aggraver leurs problèmes et qu'ils concouraient au projet en pleine conscience, évidemment. Et il y a un élément très très important, je pense, aussi dans l'initiative qui est Forbidden Stories, au sens large, pas particulièrement sur ces enquêtes, c'est que si vous voulez, à partir du moment où vous avez un groupe de journalistes internationaux qui arrivent dans un pays pour soutenir un collègue local et enquêter sur ces histoires, ça lui offre une sorte de protection. Ça fait bloc ? Ça fait bloc, et puis ça rend moins facile de le persécuter, de lui chercher des noises, de le menacer. Ça le désisole. Parce que, quelque part, ça rompt l'isolement. Et d'ailleurs, c'est ce que dit très bien Sandhya Ravishankar, la journaliste indienne avec laquelle nous avons beaucoup travaillé sur les sujets de mines de sable en Inde. À la fin du quatrième épisode, elle dit « Maintenant, je ne suis plus seul. » Au moment où on diffuse, je pense à Sandhya Ravishankar, et je dis « Voilà. » C'est tout son travail, toutes ses heures, ses moments de solitude, peut-être de désespoir, où elle n'a jamais lâché. Et à un moment, là, un collectif, on va reprendre ce travail-là. Et tout d'un coup, ça ne sera plus possible. Ça ne sera plus possible de faire le silence sur ce qu'elle a fait. It came straight from my heart. C'est venu du fond du cœur. Je leur ai dit, je ne me sens enfin plus seule. J'ai le sentiment que vous veillez sur moi. Je n'avais pas ressenti cela depuis très longtemps. Quels ont été les journaux qui ont donc travaillé autour de cela ? Nous avons Le Monde en France, nous avons Le Guardian aux États-Unis, Le Guardian au Royaume-Uni, nous avons L'Expresso au Portugal, El País en Espagne, Süddeutsche Zeitung en Allemagne, et puis après il y a en tout une trentaine de titres et de médias qui ont publié les enquêtes. Tous n'ont pas forcément participé. Donc chaque Certains média se sont contentés de les publier. En fait, il faut distinguer les médias qui ont participé activement à l'enquête, qui ont au moins détaché un de leurs journalistes pour participer à l'enquête collaborative. Et après, il y a un certain nombre de médias qui ont publié des enquêtes qu'on leur a données clé en main, mais qui est le résultat de ce travail, de toute cette collaboration. Voilà. Et donc, mais pour parler du réseau collaboratif qui a été mis en place, on parle d'une quarantaine de journalistes de plus de 25 ou 30 médias différents, si vous voulez. Donc c'est principalement ces médias-là qui ont publié, plus quelques autres qui se sont contentés de récupérer le contenu des enquêtes pour le publier. Alexis Marant, il y a la vie des documentaires à la télévision, mais un projet comme Forbidden Stories, et particulièrement cette série Green Blood, ne saurait se contenter de ce seul marché-là. Il faut évidemment pouvoir élargir pour la visibilité de l'objet, pour la visibilité du projet Forbidden Stories, et pour également lancer une multitude à cette occasion-là de bouteilles à la mer en direction des autres journalistes qui n'ont pas forcément encore entendu parler de vous, même si le nombre jour après jour forcément diminue. Quelles sont les perspectives de ce point de vue-là ? Vous allez hanter les festivals, vous allez parcourir le monde avec cet objet-là sous le bras. Bah écoutez, oui, le but en tout cas, et c'est que cette série puisse toucher le plus grand nombre, de la même façon que la force de ces enquêtes collaboratives, c'est l'impact et c'est le fait d'avoir une force de frappe. Quand on disait travailler collectivement pour aller plus loin, évidemment il y a cet aspect-là, mais il y a aussi publier simultanément sur 30 ou 40 ou voire plus, ça dépendra des enquêtes du futur. Ça donne un impact et une visibilité à ces sujets qui est gigantesque. Donc de la même façon, le projet audiovisuel qui vient se greffer sur ce projet collaboratif qui lui a déjà été publié depuis le mois de juin dans la presse et sur le web. Juin 2019. Lui aussi cherche à avoir le plus de visibilité et d'impact possible. Et donc oui, forcément. Et puis après, évidemment, oui, on s'inscrit dans les festivals et on essaie de distribuer cette série le plus largement possible. Demain, au micro d'Histoire vivante, un entretien avec Anne Michel, journaliste au Monde, qui a couvert l'enquête menée par Forbidden Stories au Guatemala. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.